Vous écoutez l'émission de Marie-Claire Tellier. Actualité internationale, un nouveau regard sur Radio Impact. Bonjour tout le monde. Ici Marie-Claire Tellier. De nos jours, il est clair pour les gens du monde que le coronavirus muté et intelligent 2019 a été produit dans des laboratoires et plus clairement par le stock de guerre de la guerre biologique appartenant aux puissances hémogénique mondiale est beaucoup plus anti-humain, destructeur et horrible que les autres armes anti-humaines, telles que les armes nucléaires et chimiques, ainsi que HAARP, High Altitude Research Project. L'ancien président iranien l'a écrit dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, faisant référence au projet HAARP. Une étude des départements de la défense des États-Unis et du Canada, réalisée sur la partie supérieure de l'atmosphère au moyen d'un instrument lancé par un canon. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. La situation ne change pas pour les pays les plus touchés par le coronavirus et déjà bloqués depuis plusieurs jours, comme la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie et le Japon. En Italie, tous les restaurants, les bars, magasins généraux sont fermés, à l'exception des pharmacies, des magasins d'alimentation et des tabacs. Si elle était encore en vie, Agatha Christie aurait écrit son nouveau roman pour raconter comment et pourquoi son célèbre détective belge, Hercule Poirot, a arrêté Bill Gates pour la pandémie de coronavirus du siècle. Pour la célèbre enquêtresse littéraire, parfaite experte du complot et à démasquer les intrigues les plus impensables, un indice n'était qu'un indice, mais trois indices deviennent la preuve. Eh bien, les étranges coïncidences qui lient le nom du magnat de Microsoft à COVID-19 sont telles et nombreuses qu'elles apparaissent maintenant comme des indices sérieux, précis et concordants. Excusez. La pandémie a été prédite lors d'un exercice du Johns Hopkins Center of Health Security à la Bloomberger School Public Health à Balmoria lors d'un sommet organisé en octobre à New York avec le World Economic Forum, la Bill et Melinda Gates Foundation, ont écrit divers sites de contre-information. Au cours des dernières semaines, les médias traditionnels de l'Atlantique faisant autorité ont ridiculisé cette théorie du complot. Si ce forum, qui contenait entre 15 acteurs mondiaux du monde de la santé, de l'économie et de la sécurité, ouvert uniquement à 130 invités exclusifs, avait été le seul élément reliant l'empire du gourou de l'informatique à l'urgence du virus corona, il aurait été vraiment envisagé comme une pure coïncidence très curieuse. Des ombres légèrement fantomatiques et apocalyptiques, comme l'appelle Event 201, avec un zéro en moins que l'année peu propice à la catastrophe du 11 septembre à New York. Cependant, le sommet s'est également distingué par la présence faisant autorité d'un ancien fonctionnaire des services secrets, l'avocat Avril Haines, ancien directeur adjoint du Central Intelligence Agency et ancienne conseillère de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, 2013-2017. Avril Haines, directrice de la CIA, de 2013 à 2017, a été nommée conseillère adjointe en 2013 par le choix de Barack Obama et a été défendue par le directeur de la CIA, John Brennan, lorsque le Washington Post a qualifié ce poste de quelque peu inhabituel. On n'en sait plus. On n'en sait plus. Excusez, j'ai perdu mon... Elle a été nommée quelque chose. Ames en sait plus sur les opérations d'infiltration que quiconque dans le gouvernement américain en dehors de la CIA, a répondu la nouvelle chef du contre-espionnage américain, alors que New York faisait remarquer qu'elle n'était pas une professionnelle du renseignement dans son département de travail d'État. Les États-Unis, cependant, avaient déjà traité des écoutes électroniques et des drones. Ce forum prophétique prend encore plus d'importance après notre précédente enquête sur l'entrelacement entre la Fondation Bill et Melinda Gates, le Bird Bright Institute, le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, le leader des vaccins, et administré par un directeur de la Microsoft Corporation et partenaire du Pentagone. Ces agences de recherche sur les armes innovantes DARPA, DETRA, également spécialisée dans les études de biologie et de génie génétique, donc parfaitement capable de préparer un virus biogénétique avec des cibles ethniques précises. Nous avons déjà écrit sur les connexions qui soutiennent la tête d'une pandémie d'armes biologiques dans le rapport précédent et nous les analyserons donc plus loin dans cet article. Essayons maintenant de comprendre pourquoi, après la Chine, où l'épidémie diminue légèrement, l'Italie et l'Iran sont les pays les plus touchés. Au 11 mars, il y avait 12 462 cas de COVID-19 dans la péninsule italienne, dont 10 590 ont été infectés, 1045 guéris et 827 en sont morts. Des chiffres qui ont définitivement consolidé la triste primauté du pays dans le monde, avant même la Corée du Sud et juste derrière la Chine. Mais la même nation de Téhéran ne va pas mieux. 6 566 cas, 2 134 hospitalisés et 194 morts. L'Iran dans la cible de l'usine nucléaire de Qom. Les chiffres sont alarmants. À la fois parce qu'ils augmentent de façon exponentielle, mais surtout après le massacre qui a eu lieu en Chine, 3140 morts sur 80 924, il représente l'indice de mortalité le plus élevé au monde. En Iran, les décès sont trois fois ceux de la Corée du Sud, 60, tandis qu'en Italie, il y a même 10 fois plus, environ 15%, de toutes les victimes du coronavirus sur la planète, estimées à 4012 par rapport au numéro 50 de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le reportage précédent, nous avons expliqué que cela pouvait être dû aux génotypes différents de la souche virale du COVID-19, l'un des plus agressifs et mortels dû à une manipulation humaine non identifiée. L'autre a une morbidité élevé, mais très fatal. Dans l'hypothèse de l'arme bactériologique, à prouver évidemment si cela sera jamais possible, voici la thèse de la pandémie ethnique d'un virus bioénergétique qui est parfaitement en mesure d'expliquer ces anomalies macroscopiques entre ce qui s'est passé en Chine, en Iran et en Italie par rapport au reste du monde. S'il est presque superflu d'expliquer les rivalités de longue date entre les deux superpuissances comme la Chine et les États-Unis, le berceau de l'État profond mondialiste dont la CIA elle-même a reconnu l'existence, fortement conditionné par le lobby financier sioniste sur le marché des armes, les armes conventionnelles ou non, qui trouve son expression dans les organisations formelles telles que l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, un groupe de pression américain connu pour son soutien à l'État d'Israël. Il convient de rappeler que ceux entre Washington et Téhéran sont récemment devenus plus aigus avec la sortie des États-Unis du traité de Joint Comprehensive Plan of Action sur l'Iran, auquel l'Iran a répondu en reprenant l'enrichissement de l'uranium à usage militaire. Le point culminant s'est produit lorsqu'un drone de l'US Air Force lancé à partir de la base de Al-Uqid au Qatar a tué le général Soleimani, commandant des forces Quds, unité spéciale pour les missions étrangères des gardiens révolutionnaires islamiques ou le Pashdaran iranien. Avant de lancer une attaque de missiles sur les bases américaines en Irak, qui a causé le 8 janvier des blessures cérébrales à une centaine de soldats, malgré les démentis initiaux et graves dommages par la Maison-Blanche, Téhéran a immédiatement réagi à ce que je considérais comme une déclaration de guerre par un geste symbolique et pratique. Le drapeau rouge de la vengeance a été hissé sur la mosquée chiite de Qom, le plus important temple musulman du pays. Les centrifugeuses de la centrale nucléaire Fordow ont été mises en marche, toujours près de Qom, à environ 140 km de Téhéran. Cette usine n'est vraiment parmi les plus innovantes pour la vitesse de l'enrichissement de l'uranium afin de construire des ogives nucléaires que l'Iran ne devrait pas encore posséder, ou en tout cas posséder en nombre limité, précisément en raison des restrictions du JCPOA. Mais il est également pratiquement inattaquable car il a été réalisé sous un bunker souterrain à 50 mètres de profondeur. Il est donc très difficile à atteindre, même avec un missile puissant, mais il est évidemment à risque de contagion d'une épidémie virale parmi ses opérateurs, désormais probablement isolés du monde. Juste à Qom, la première épidémie de coronavirus a été enregistrée dans tout l'Iran, qui s'est ensuite rapidement propagée à la capitale voisine et peuplée. L'épidémie a éclaté avec virulence environ un mois après le mystérieux accident d'avion en Afghanistan, où un avion espion du commando de la CIA s'est écrasé avec à son bord le chef des opérations du Moyen-Orient, Mike D'Andrea. Le dangereux conflit italo-iranien sur l'intelligence artificielle. Eh bien, juste à l'époque où Washington et Téhéran étaient en désaccord, tandis que le Pentagone et Pashmadam n'ont pas entendu l'ordre d'attaque de leurs présidents respectifs pour déclencher une guerre mondiale au Moyen-Orient, et peut-être pas seulement, à un politicien italien inexpérimenté faisant partie du parti du mouvement 5 étoiles, composé en grande partie de personnes ayant peu de connaissances générales, et pas seulement de géopolitique, il est venu à l'idée géniale de commencer une collaboration stratégique entre l'Italie et l'Iran. L'ancien professeur régisseur du stade de Sao Paulo, où il vendait des boissons jusqu'à il y a quelques années, Luigi Di Maio, a leader national 5 étoiles, voulait exercer son pouvoir de ministre des Affaires étrangères qui avait obtenu une récompense pour avoir aidé la triade de gauche composée du Parti démocrate, le président de la République, Sergio Mattarella, ancien département et probablement proche de la CIA, comme écrit dans un rapport précédent, et le premier ministre Giuseppe Conte, découragé par la Ligue de Matteo Salvini à former un nouveau gouvernement contre Mi. Le chef de l'État Mattarella, bien décidé à parcourir le monde de Washington au Qatar avec les frères musulmans alliés de la Turquie et du sanguinaire Erdogan, avait choisi Di Maio pour la Ferencia, précisément pour continuer à gérer de première main les questions étrangères les plus délicates. Mais le député 5 étoiles est ravi par ses instincts juvéniles et au lieu de les évacuer de sa belle petite amie, il a préféré concentrer sur les nouveaux horizons de technologie de l'information liés à la géopolitique, l'intelligence articulaire. L'ambassadeur d'Italie en Iran, Giuseppe Peroni, a rencontré le ministre iranien des technologies de l'information et de la communication, Azari Jaromi, le mardi 18 février, pour accroître la coopération bilatérale entre l'Italie et l'Iran dans un domaine de l'intelligence artificielle. Comme le rapporte le site web de la Sécurité nationale de l'Université Louis de Rome, l'intention d'Italie de rétablir l'agenda bilatéral avec l'Iran avait été déjà confirmée le 27 janvier, lorsque le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Luigi Di Maio, avait eu une conversation téléphonique avec son homologue en Iran, Javad Zarif. Et donc, au milieu du cyclone entre la Maison-Blanche, la théocratie chiite, la napolitaine, qui rappelle bien le masque de cloche de la Commedia dell'arte, comme maladroit, opportuniste, bavard, a fait son mal et fat en entamant une négociation très délicate car il concerne l'intelligence et le contre-espionnage, comme la synergie sur l'intelligence artificielle implique également le partage de données sensibles de logiciels et de matériel. La nouvelle a également été rapportée par Far News, récemment éclipsée pendant quelques jours par le département du Trésor américain pour l'une des nombreuses sanctions de Washington contre Téhéran. Il est clair que l'inexpérimenté Di Maio n'a pas saisi au minimum la gravité des tensions entre l'allié le plus puissant de l'OTAN et le pays du Moyen-Orient. Si la thèse de plus en plus fondée de l'arme biogénétique est créditée, il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles l'anglo-américaine Zionist Deep State, par le biais du National Clandestine Service, la composante de la CIA et du renseignement humain, s'est spécialisée dans toute action sans scrupule, y compris criminelle et assassin, où le tristement célèbre ennemi juré israélien du Pas d'Aran aurait pu déclencher une pandémie avec une virulence et une létalité énormes en Italie. Il ne faut pas oublier en effet qu'en mars 2019, Rome a signé des accords préliminaires du plan d'accords commerciaux avec Pékin pour la route de la soie, blâmé par Washington, mais fortement souhaité par l'ancien sous-secrétaire au développement économique Michel Geraci, une ancienne banque internationale officielle, puis un homme d'affaires en Chine, homme politique indépendant dans la Ligue et par le mouvement 5 étoiles. L'ancien président iranien appelle à l'ONU, c'est une bioguerre. En Italie, pour l'instant, la théorie du complot est qualifiée de fantasme de complot sans fondement par les journalistes du grand courant pro-OTAN de l'Atlantique. Beaucoup de ceux qui, fin février, qualifiaient le virus de corona de simple influence avant que le taux de mortalité ne grimpe à 6%, comme cela s'est produit avec le bilan de 827 victimes mises à jour au 11 mars. En Iran, cependant, il y a déjà ceux qui ont mis par écrit dans une lettre dynamique à l'ONU, l'ancien président iranien, représentant politique des conservateurs qui ont récemment remporté les élections législatives, a en effet écrit au secrétaire général des Nations Unies, Guterres, pour la guerre biologique pandémique 89 201 virus et par a fini par efficace missile de conduisant dit qu'il est les personnes bénin. Valère au Sénec en Italie, comme l'a également admis le directeur italien de l'Organisation mondiale de la santé, Walter Riccardi, si les précautions adoptées ne peuvent pas contenir l'épidémie, il n'y a aucune possibilité qu'un vaccin soit disponible durant la première année. Il existe un médicament antiviral fictif qui peut aider les malades, mais ne pas limiter de manière significative la propagation de la maladie. Étant donné que l'ensemble de la population humaine est sensible, au cours des premiers mois de la pandémie, le nombre cumulé de cas augmente de façon exponentielle, doublant chaque semaine. Et à mesure que les cas et les décès s'accumulent, les conséquences économiques, sociétales deviennent de plus en plus graves. Tel est le contenu prophétique rapporté lors de l'événement 201. La catastrophe est tellement similaire à la réalité que les organisateurs ont récemment publié un communiqué de presse sur le site officiel du rapport du Forum après les soupçons du journaliste d'investigation. Pour être clair, le Center of Health Security et ses partenaires n'ont pas fait de prédictions lors de notre exercice sur table. John Hopkins Center a écrit: pour le scénario, nous avons modélisé une pandémie fictive de coronavirus, mais nous avons explicitement déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une prédiction. Au lieu de cela, l'exercice a permis de mettre en évidence les problèmes de préparation et de réponse qui pourraient survenir lors d'une pandémie très grave. Nous ne prévoyons pas maintenant que l'épidémie du COVID-2019 tuera 65 millions de personnes, bien que notre exercice sur table comprenait un faux roman coronavirus, les entrées que nous avons utilisées pour modéliser l'impact potentiel de ce virus fictif ne sont pas similaires au COVID-2019. Le déni est simple à interpréter. Cela semble une prophétie, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y aura 65 millions de morts, même si les dommages financiers enregistrés sur les bourses mondiales s'élèvent à des centaines de milliards de dollars, coïncident parfaitement avec ceux supposés dans l'exercice. Ces dernières années, le monde a connu un nombre croissant d'épidémies, environ 200 par an, qui grèvent des ressources limitées. Une grande pandémie mondiale perturberait la santé, les économies et la société. Des études économiques montrent que les pandémies pourraient entraîner une perte économique annuelle moyenne de 0,7% du PIB mondial ou 570 milliards de dollars à la place, que nous lisons dans le communiqué publié après l'exercice. Coronavirus, trop de coïncidences et de déni. En quelques semaines à peine, deux instituts de renommée mondiale liés à la Fondation Bill et Melinda Gates se sont vus refuser les journaux pour deux coïncidences vraiment sensationnelles. En plus des prévisions sur l'événement 201, en fait, le rôle du Bird Bright Institute soutenu par les Gates a breveté une étude sur le coronavirus aux États-Unis pour prévenir la bronchite aviaire chez les poulets, s'est retrouvé dans la cible des Américains et des médias d'investigation, mais évidemment presque ignoré par les Italiens. Grâce à ces recherches, un centre israélien aurait déjà trouvé le vaccin. Comme nous l'avons écrit dans le rapport précédent en mettant en évidence les liens étroits entre l'Empire Bill Gates et GlaxoSmithKline, la multinationale britannique de vaccins est en accord avec son homologue chinois Clover Biopharmaceutique pour la distribution de l'antidote contre le COVID-19 dès qu'il sera disponible. En Chine, après l'annonce de la finalisation de cet accord commercial et l'appel téléphonique entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump, les morts et les infectés ont commencé à diminuer miraculeusement. En plus des systèmes de santé difficiles, des pandémies peuvent entraîner de graves conséquences économiques et sociétales en cascade, a déclaré Tom Inglesby, médecin, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security à la Bloomberg School Public of Health à la fin de l'exercice avec une telle évidence de la révélation que même un enfant de 10 ans aurait pu le faire. Ni les gouvernements, ni les industries privées ne peuvent à eux seuls répondre adéquatement à une grave pandémie. Ils doivent travailler ensemble. Nous avons conçu l'événement 201 pour engager les dirigeants de manière convaincante afin de les aider à comprendre les décisions nécessaires pour se préparer et répondre aux menaces biologiques, a ajouté le directeur de l'Institut. Précisément à ces fins, le Programme de sécurité sanitaire mondiale, l'entité internationale à laquelle adhèrent 40 pays, a créé en 2014 un plan de santé expérimental souhaité par l'administration américaine du président Barack Obama, un grand ami des époux Gates, qu'il a lui-même récompensé pour sa philanthropie, dans laquelle l'Italie a été identifiée pour un projet pilote de 10 vaccins obligatoires mis en œuvre par le décret Lorenzin 110 du 31 juillet 2017 pour les enfants. Antipolio, antidiphtérie, antitétanos, antihépatite B, anticoqueluche, hémophilus, grippe type B, antirougeole, antirubéole, antioreillon et antivaricelle. Les trois premiers sont obligatoires depuis des décennies afin de remplir la scolarité obligatoire, tandis que celui contre l'hépatite B, comme souligné dans le précédent reportage, est devenu tel qu'après 1991. Le ministère de la Santé de l'époque, Francesco Di Lorenzo, avait reçu un pot de vin de 600 millions de SmithKline, absorbé par la suite par la GSK qui a été chargée de fournir des vaccins pour la même loi Lorenzin, y compris celui hexavalent que de nombreux pédiatres considèrent très dangereusement pour les jeunes enfants âgés de quelques années. C'est pourquoi le mouvement spontané du soi-disant Novax s'est développé en Italie. C'est pourquoi une belle pandémie peut être la meilleure solution pour diriger à tous les Italiens les vaccins dont profitent les mêmes fonds d'investissement américano-sionistes qui spéculent sur le lobby des armes et contrôlent les salles secrètes mondialistes du Nouvel Ordre mondial, du Deep International State, une entité occulte transversale pour financer la franc-maçonnerie, la politique et les appareils de renseignement militaire. Juste JSK, partenaire du Pentagone et ses agences de recherche sur les armes innovantes, notamment bactériologiques et biogénétiques, DARPA et DITRA, aident l'Université australienne du Queensland a développé le vaccin du nom de la British Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, fondée par la même fondation américaine de Bill et Melinda Gates, rassemble 6 nations, dont 3, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. Le Comité international de renseignement anglophone Five Eyes, qui comprend également les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Les dates sont également importantes. En janvier 2017, le CEPI est né à Davos. En 2018, le Birbright Institute a déposé le brevet pour le coronavirus aux USA pour les tests sur la bronchite du poulet. En octobre 2019, la réunion sur la pandémie s'est tenue à New York. En janvier 2020, le CEPI finance la recherche sur les vaccins en impliquant GSK, qui depuis 2017, la PDG Emma Walmsley, devenue directrice non exécutive de Microsoft Corporation en 2019. Combien de coïncidences en une seule période de 3 ans? Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi un ancien directeur adjoint de la CIA a également participé à l'exercice 201 sur la pandémie. Selon les sources Intel, comme indiqué dans un autre article, la CIA reste le principal suspect de la diffusion de la bioarme coronavirus sur le mandat d'un État international profond, plus puissant que l'opposition politique entre les républicains et les démocrates, en vue de la course à la Maison-Blanche pour les élections présidentielles américaines de novembre 2020. Quelques mots sur l'auteur. Fabio était directeur et éditeur de Gospel News, un journal d'information chrétien. Fabio Giuseppe Carlo Carrizo, né le 24 février 1967, a commencé à travailler comme journaliste car il n'avait que 18 ans dans la région alpine de Valencia, Piémont, sa région natale en Italie. Après des études de littérature et d'histoire à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, il est devenu directeur adjoint d'un journal local spécialisé dans les reportages judiciaires. Pendant environ 15 ans, il est correspondant du nord de l'Italie pour les journaux italiens Liberto et El Giornale, écrivant également d'importantes révélations sur le massacre d'Ustica, un rapport sur la franc-maçonnerie et le crime organisé. Dans le cadre d'enquêtes indépendantes, il collabore avec les Carabinieri et Guardia di Finanza dans des enquêtes importantes qui se terminent par l'arrestation d'entrepreneurs de la Camorra et de policiers corrompus. En juillet 2018, il a trouvé le web média de compte information COSPA News axé sur la géopolitique, le terrorisme, le Moyen-Orient, le renseignement militaire. Il est correspondant d'Italie pour le site d'information français Réseau International. Il travaille depuis de nombreuses années pour le magazine Art Wine en tant que critique d'art et commissaire d'exposition internationale. L'épiphanie qui est concoctée à partir des victuailles amassées durant la guignolée. Lors de ce repas-là communautaire où les plus riches du village et autant les plus pauvres et ceux dans le milieu sont invités, c'est seulement les Blancs d'origine francophone, d'origine française, je veux dire. Puisqu'il y a beaucoup d'Illinois, si vous comprenez le contexte socio-politique de l'époque, il y a beaucoup de communautés autochtones. Les villages, souvent, sont situés l'un à côté de l'autre. Peut-être moins au 19e siècle quand les Américains arrivent, mais il y a aussi beaucoup, il y a des esclaves noirs d'origine africaine qui sont là, qui étaient dès la Nouvelle-France, dès le 18e siècle. Donc, ces personnes-là ne sont jamais invitées, que ce soit au repas de l'Épiphanie ou au bal des rois qui ont lieu par la suite, qui servent des moments de danse, qui servent à former les futurs couples. Donc, les populations blanches invitent même parfois, pas toujours, certains colons d'origine américaine, donc qui parlent anglais. Pourquoi eux étaient invités et pas les Noirs ou les Autochtones? C'est parce qu'il y a ici une dimension raciale aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, quand vous venez blanc, on est le bienvenu, mais quand on est jugé comme un être inférieur, c'est-à-dire autochtone ou noir, on n'est pas le bienvenu dans ces balles-là. Donc, ce sont des façons pour eux de montrer clairement, nous, notre identité, elle est blanche et francophone. Donc, les personnes qui font partie de la fête, on le montre de manière directe et indirecte qui fait partie de la communauté. Donc, c'est une façon, au niveau culturel, de montrer son identité, au niveau collectif, mais aussi les identités individuel qui rentre en ligne de compte dans le moment festif, parce que j'ai parlé que les balles, par exemple, un autre exemple qu'on va prendre, servent à former les futurs couples. Donc, les jeunes sont invités à venir danser, puis les aînés sont toujours présents. Et l'Église catholique s'assure justement qu'il y a un contrôle parental dans ces balles-là. Et l'objectif de ce contrôle-là, c'est que les aînés veulent reproduire la hiérarchie sociale. Donc, tout ce qui est au niveau genré aussi, ça rentre en ligne de compte. Donc, les hommes et les femmes du même milieu social peuvent danser avec ensemble, mais si vous venez de l'élite, par exemple au bal des Illinois, on s'assurait justement de respecter ces hiérarchies-là. Donc, si vous êtes au sommet de l'élite, vous n'allez pas pouvoir danser avec quelqu'un au bas de l'élite parce que vous allez être empêché par les aînés. Donc, même si tout le monde se rassemble dans le même endroit, qu'on a une espèce de semblant d'esprit égalitaire, dans les faits, ce n'est pas du tout parce qu'on reproduit la hiérarchie sociale dans les marques. Que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je continue. J'ai un autre article sur le coronavirus. Vacciner, dépeupler et asservir l'humanité. Les fabricants de vaccins, les agences gouvernementales, les institutions financières sont intégrés dans une vaste industrie qui pousse constamment le bouton pandémie dans l'espoir de voir un programme mondial de vaccination. Voici comment se déroule cette abominable arnaque qui se répète sous différents noms, année après année. Corona, VIH, SIDA, SRAS, Ebola, Zika, vache folle, etc. La plupart du public n'ont informé et réagi comme programmé, simplement parce qu'il est prouvé que la peur peut déclencher un rétrécissement de l'esprit, une baisse du quotient intellectuel, une stimulation de l'ego enfantin qui cherche un adulte pour le sauver, et une obéissance réflexive envers l'autorité perçue. Le travail de cette arnaque se déroule comme suit. Étape 1. Empoisonner la population à dessein pour créer une maladie qui ne se produira pas et ne se produira jamais naturellement. Représenter la maladie créée intentionnellement comme causée par quelque chose d'invisible en dehors du domaine du contrôle et des connaissances du quidam moyen. Étape 3. Créer un vaccin ou un médicament toxique qui a toujours été destiné à envoyer une population dans une tombe de manière précoce. Répétez autant de fois que possible sur une population non informée parce que tuer une population de cette façon, l'art de faire en sorte que les gens s'alignent pour se tuer avec du poison, connu comme une méthode de soft kill, tuer doucement, est la seule manière légale de garantir ces opérations eugéniques puissent être exécutés en masse à la vue de tous. Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunité, financée en partie par le gouvernement britannique, compte de nombreux représentants de l'industrie pharmaceutique au sein de son conseil d'administration. C'est ce groupe qui fixe le prix des vaccins, stimule la demande. De fait, depuis sa création, Gavi a vacciné 760 millions d'enfants. L'AMC est un mécanisme de financement spécial mis en place en 2007 par Gavi et 6 donateurs. Italie, Royaume-Uni, Canada, Fédération de Russie, Norvège, Fondation Bill et Melinda Gates pour stimuler le développement des vaccins. Il est clair que les fabricants de vaccins, les agences gouvernementales et les institutions financières sont intégrés dans un vaste réseau qui pousse constamment le bouton pandémie dans l'espoir d'un programme mondial de vaccination. La corruption de cette agence, bien documentée, En attendant, nous avons l'alliance AID 2020 qui a été lancée avec une subvention initiale de la Fondation Rockefeller. Bill Gates est un partenaire fondateur de la société AID 2020 Alliance, dont l'objectif est de donner à chaque être humain sur la Terre une identification numérique. Comment envisage-t-il d'accomplir cet exploit? En combinant les vaccinations obligatoires avec des micropuces implantables, dont l'Alliance ID 2020 est un programme d'identité numérique qui vise à tirer parti de la vaccination comme moyen d'insérer de minuscules puces électroniques dans le corps des gens, et ceci est fait en collaboration avec Gavi. D'autre part, et comme par hasard, Bill Gates est copropriétaire du vaccin contre le coronavirus via la Pillbright Institute. Il a aidé à créer un exercice de stimulation de pandémie avec le CDC chinois à quelques mois suivants avant l'épidémie signalée, utilisant le même virus. Il est expliqué que CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation Coalition, pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies, qui finance la fabrication du vaccin. Gavi, qui est le prix fixe du vaccin, et ID20, qui utilisera les vaccins pour implanter les micropuces dans le public conformément à l'agenda 2030 de l'ONU. Le Pillbright Institute, qui détient un brevet pour le coronavirus, a des liens avec Bill Gates et le Dr. Adrian Hill du Jenner Institute. Ce Hill est l'homme qui a participé aux études sur le vaccin contre l'Ebola. Innovate UK, Royaume-Uni, l'agence qui fait avancer l'agenda Smart 5G, est également liée à Pillbright et aux essais de fond. La connexion coronavirus 5G. Des chercheurs indépendants sur le web depuis environ 2-3 semaines maintenant ont mis en évidence le lien du coronavirus 5G, malgré le fait que Google, comme le censeur en chef autoproclamé pour le nouvel ordre mondial, fait de son mieux pour masquer et nettoyer tous les résultats de recherche montrant ce lien. La connexion au coronavirus ne signifie pas que la connexion aux armes biologiques est fausse. Ce n'est pas le cas de l'un ou de l'autre, mais élargit plutôt la portée de l'ensemble de l'événement. En effet, Wuhan, le point initial de la pandémie coronavirus, est l'une des premières villes de test choisies pour le déploiement de la 5G en Chine. La 5G a été installée le 31 octobre 2019, exactement 2 mois avant le début de l'épidémie de coronavirus de Wuhan. Pendant ce temps, de nombreux documents scientifiques sur les effets sur la santé de la 5G ont vérifié qu'elle procure des symptômes pseudo-grippaux. La 5G peut exacerber ou provoquer le type de maladie que vous attribuez au nouveau virus. Le terrier du lapin est profond. Alors, faisons-nous une plongée. Maintenant, Huawei qui prétend que la 5G est une sorte de remède. La 5G est une arme à énergie directe. Pour plus d'informations sur la 5G, lisez l'article de 2017 de Makia Freeman, 5G et the Internet of Things, l'Internet des objets. La grille de contrôle technologique totale se trouve dans le déploiement rapide. De nombreux citoyens, scientifiques et même responsables gouvernementaux concernés prennent conscience du danger de la 5G. Elle a déjà été interdite dans nombreux endroits du monde, comme Bruxelles, les Pays-Bas, certaines parties de la Suisse, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis et l'Australie. Après tout, la 5G n'est pas seulement la prochaine génération de connectivité mobile après la 4G. C'est une technologie radicale, entièrement nouvelle. Une technologie militaire utilisée sur les champs de bataille qui est maintenant déployée, terme militaire, dans le domaine civil. Il s'agit d'armements multi-éléments vendus et déguisés principalement en systèmes de communication. Lorsque les bandes de fréquence qu'il utilise, 24 GHz, 100 GHz et plus, y compris MMW, ondes millimétriques, sont les mêmes que celles utilisées dans Active Denial System, système de déni actif, c'est-à-dire le contrôle des foules. Même le média de masse Wikipédia, la voix de son maître, écrit les systèmes de déni actifs comme des armes à énergie dirigée. Ils dispersent les foules en leur tirant de l'énergie, provoquant une douleur immédiate et intense, y compris une sensation de brûlure cutanée. N'oubliez pas que les armes à énergie dirigée sont à l'origine de la chute des tours jumelles du 11 septembre et des faux feux de forêt californiens. Les armes à énergie dirigée ne sont pas du ressort de la théorie du complot. Au cours des derniers mois aux États-Unis, il y a eu un certain nombre d'incidents où les armes à énergie dirigée, armes laser et peut-être d'autres armes énergiques de haute technologie, ont été ouvertement déployées. Cette pandémie est utilisée pour faire avancer l'agenda 2030, la politique de l'ONU pour le contrôle total de la population mondiale. Bien sûr, on essaie de vous faire avaler la pilule. Ce programme est un plan d'action pour les personnes, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer la liberté universelle la paix universelle pour une plus grande liberté. Nous reconnaissons que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris l'extrême pauvreté, est le plus grand défi mondial et une condition indispensable au développement durable. Tous les pays et toutes les parties prenantes agissant en partenariat corporatif mettront en œuvre ce plan. Nous sommes résolus à libérer la race humaine de la tyrannie de la pauvreté et aux besoins à guérir et sécuriser notre planète. Donnons à Dave Work le dernier mot. En 2018, il a écrit « L'agenda 2030 est le plan directeur pour l'élevage, ouvrez les guillemets, mouton, fermez les guillemets, dans cette dernière étape du nouvel ordre mondial. » Encore une fois, la dialectique hégélienne est utilisée. Si nos contrôleurs psychopathes nous disaient que nous serions des esclaves sans possession ni liberté et que même notre reproduction sera contrôlée, accepterions-nous cela? Bien sûr que non. Ils utilisent donc un double langage enduit de sucrerie pour faire croire que l'agenda 2030 vise à mettre fin à la pauvreté et à la faim. Et maintenant, la maladie est le prétexte. Mais quelques milliers de psychopathes ne peuvent pas contrôler 7 milliards de personnes. Donc, le dépeuplement est un élément important de l'agenda. Selon leur propre Georgia Guidestone, la population idéale, contrôlable, est d'environ 500 millions d'habitants. Donc, beaucoup d'entre nous doivent quitter la planète pour qu'ils puissent faire les choses à leur façon. Mettre fin à la pauvreté, à la faim? Les bruits de puissance et avides qui ont créé l'agenda 2030 amassent des quantités inimaginables de richesses et pourraient facilement résoudre la pauvreté mondiale si elles le voulaient et il leur en resterait encore beaucoup. Bill et Melinda Gates Foundation, financée à sa création par 30 milliards de dollars, seront à terme 95% de la fortune de son fondateur qui doit revenir dans les caisses de cet organisme, les 5% restants étant réservés à ses héritiers. Et en juin 2006, Warren Buffett devient le plus important donateur à une organisation caritative rapportant 37 milliards de dollars, soit plus de 80% de sa fortune, à l'œuvre de son ami Bill Gates. Suivant son exemple, il déclare vouloir léguer le reste de sa fortune à la Fondation Bill Gates. Grâce à cet apport, la déjà puissante Fondation Bill et Melinda Gates accumule désormais une force financière de plus de 60 milliards de dollars. En comparaison, le budget de l'UNESCO approche à peine 1 milliard de dollars. Les contributions qui entrent chaque année dans les coffres de la Fondation équivalent à un budget annuel de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis sa création, elle a été lancée pour plus de 12 milliards de projets, autant en valeur que l'Organisation mondiale de la santé. Et sa puissance budgétaire la consacre maintenant à l'égal d'une institution telle que le Fonds monétaire international, FMI. En effet, elle dispose de ressources représentant deux fois le montant des prêts du FMI. Par conséquent, l'influence d'un tel bailleur de fonds sur les ONG avec qui il coopère est énorme. Il est en position de décider des programmes à vocation humanitaire et à mettre en œuvre, de dicter leur orientation et de choisir les cibles. De plus, les milliards de dollars brassés ont un impact majeur sur les industries qui vont être amenées à travailler en partenariat avec lui. On assiste là à l'apparition d'un nouveau schéma de l'aide humanitaire, un mécanisme très différent de celui traditionnellement élaboré pour venir en aide aux pays sous-développés. Ainsi donc, on assiste aux États-Unis à l'avènement d'une nouvelle charité alliant financement caritatif et investissement lucratif. Sous prétexte de charité, Gates impose la loi de la finance jusque dans le domaine des solidarités internationales. À travers sa fondation, le philanthrope américain domine progressivement la scène mondiale de l'action humanitaire et impose sa suprématie, donc ses dictats. Sa fondation est en cela un instrument essentiel de l'influence américaine dans le monde. Une poignée d'individus confisque ainsi l'aide humanitaire avec une passibilité complice des États qui renoncent à leur rôle de garant du bien collectif et de la justice sociale. La fondation Bill Melinda Gates est à la fois la privatisation de l'action humaine au profit des multinationales et le cheval de Troie de l'impérialisme américain. Né en réaction à la gestion catastrophique de l'épidémie de l'Ebola de 2014, CEPI est basé en Norvège et vise à mettre des vaccins à disposition en cas d'épidémie liée à des virus émergents. CEPI est un partenariat novateur entre organisations publiques, privées, philanthropiques et civiles. Lancé à Davos en 2017 pour mettre au point des vaccins contre les épidémies qui pourraient subvenir à l'avenir, la coalition a reçu un financement pluriannuel de la Norvège, de l'Allemagne, du Japon, du Canada, de l'Australie, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de Wellcome. Elle a également reçu des investissements sur un an de la part des gouvernements belges et britanniques et de la Commission européenne. Pandémie coronavirus, un complot criminel et international de proportion épique. Coronavirus, chemtrails, vaccins et 5G, les schémas de dépopulation dans l'histoire du monde les plus prémédités et les mieux organisés. La pandémie de coronavirus de Wuhan est une mise en scène destinée à couvrir la crise de la santé publique causée par le déploiement intensif de la 5G à Wuhan en 2019. Un petit mot sur Bill Gates. L'invention et le déploiement d'Internet avec des nœuds couvrant le monde ont créé un problème croissant pour l'élite dirigeante. ceux qui possédant et contrôlant les médias hérités qui dominaient et contrôlaient la pensée depuis la découverte de l'imprimerie vers 1439. Aujourd'hui, une petite ouverture dans la propagande qui recouvre historiquement l'esprit de ceux qui participent à la conscience partagée, les résultats des médias et traitements contrôlés. Une ouverture qui a permis à beaucoup d'entre nous d'en savoir plus sur les sujets non approuvés et cachés qui exposent ceux qui contrôlent et asservissent la plupart de la population mondiale. Cette bataille entre les médias de propagande contrôlés et scénarisés et les médias alternatifs naissants, toujours désorganisés et sources de division, a atteint un point d'éclair. Pour contrer la disponibilité d'informations alternatives, les dynasties héritées ont introduit le chaos sur le champ de bataille, créant délibérément de la désinformation qui avait déjà été viciée par les médias hérités, mais qui entache maintenant délibérément les médias alternatifs. L'effet est de créer un sentiment de désespoir autant de points de recherche de la vérité sur un champ de bataille de mensonges. Les dynasties héritées des médias et du contrôle mental sont également les créateurs de devises et les contrôleurs de l'infrastructure de la civilisation. Ils dominent les médias alternatifs, contrôlent les plateformes de médias sociaux et de la connectivité Internet et présentent une prétendue haute autorité comme moyen de le faire. C'est dans cet environnement que les dynasties héritées travaillent maintenant leur fin de jeu pour sauvegarder leur richesse volée générationnelle. Solidifier les positions de pouvoir, écraser et discréditer les sources florissantes d'informations alternatives et l'accès à la vérité. L'histoire du coronavirus est une autre accusation à spectre complet, extrêmement coûteuse contre les soldats de la vérité et de la liberté. L'histoire en évolution apparaît comme quelque chose d'un roman de science-fiction et, en fait, elle provient probablement de la science-fiction. Jack London a écrit une nouvelle science-fiction en 1907 intitulée « L'invasion sans parelle » qui est apparue pour la première fois vers 1910. L'histoire futuriste contient l'essence de l'histoire du coronavirus d'aujourd'hui. L'intrigue implique une Chine croissante et puissante qui refuse de contenir sa population à l'intérieur de ses frontières historiques et se moque de la menace de l'Occident de prendre des mesures pour garder la Chine dans sa boîte. La solution finale développée pour la Chine était un virus. Mais le 1er mai 1976, si le lecteur avait été dans la ville impériale de Pékin, qui comptait alors 11 millions d'habitants, il aurait été témoin d'un spectacle curieux. Il aurait vu des rues remplies de populations jaunes, bavardes, chaque tête en file inclinée vers l'arrière, chaque œuf incliné tourné vers le ciel. En haut, dans le ciel bleu, il aurait vu un petit point noir qui aurait été identifié en raison de ses évolutions ordonnées comme un dirigeable. Et de ce dirigeable, alors qu'il courbait son vol dans les deux sens au-dessus de la ville, sont tombés des missiles. Des missiles étranges et inoffensifs. Des tubes de verre fragiles qui se sont brisés en milliers de fragments dans les rues et les toits des maisons. L'Occident rusé avait développé une arme biologique et contenue dans des tubes à essai en verre, la menace virulente a été libérée. La ville de Pékin, dans l'histoire, avec une population de 11 millions d'habitants, était un équivalent en réalité alternative de la ville de Wuhan en 2019, également avec une population de 11 millions d'habitants. Mais ce cas apparemment inintéressant de prédire l'avenir n'est qu'un des nombreux exemples qui ont brouillé les eaux, confondant la réalité avec le script, apportant des millions de tétraoctets de discussion dans la grotte numérique de Platon de notre civilisation moderne. Parmi les autres exemples de prédictions trouvées dans la mer de documents imprimés se trouve le livre de Dan Kuntz, de 1981, intitulé « The Eyes of Darkness ». Kuntz invente l'arme biologique Wuhan 400 qui est étrangement similaire au coronavirus de Wuhan d'aujourd'hui. Mais attendez, il y a plus. Que diriez-vous de celui-ci, intitulé « Fin des jours, prédiction des prophéties sur la fin du monde » écrite par Sylvia Brown et publiée en 2008. Dans ce morceau de fiction prédictive, nous voyons encore plus de détails sur le plan. Mais je m'éloigne du sujet principal. La dynastie héritée, souvent appelée élite mondiale, travaille furieusement, fiévreusement vers sa fin de sa perte. De quelque chose également a été déjà prédit dans les pierres plantées à Elbert County, Georgia, en 1995, les Georgia Guidestones. Le monde doit se préparer à la guerre contre une pandémie mondiale. Bill Gates craint qu'une maladie pseudo-grippale espagnole anéantisse 33 millions de personnes en moins d'un an. Gates sonne l'alarme et télégraphie ses connexions maçonniques. 33 millions. De quel chapeau a-t-il tiré ce chiffre? Bill Gates fait face à un procès en Inde pour avoir testé illégalement des enfants tribaux avec des vaccins. Plus accablant que tous les programmes prédictifs cités ci-dessus sont les machinations politiques des médias médicaux et des bourreaux de vaccins de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le 18 octobre 2019, un événement simulé de pandémie appelé Event 201 s'est tenu à New York. L'événement simulé est un exercice pandémique de haut niveau organisé par la Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates. Faites vos recherches car il existe une vidéo et des vidéos associées pour avoir une bonne idée de la façon dont une vraie pandémie pourrait être utilisée pour contrôler les informations et enfermer les gens en même temps. Notez le segment de la réunion qui implique les médias et l'utilisation de l'expression « fausse nouvelle », car ce conseil épidémiologique d'urgence important exprime sa préoccupation à propos du fait que le public soit informé que la pandémie a été délibérément provoquée. Certaines publications et la désinformation font des ravages sur la réponse des plafonds. Les agents de santé sont attaqués dans certains nombres d'endroits en raison de rumeurs selon lesquelles ils propagent délibérément cette maladie. Et les efforts de riposte dans nombreux endroits ont dû être suspendus en raison des préoccupations liées à la violence. Ça fait partie de la réunion. Il est intéressant de noter que les responsables de la simulation ont déjà décidé de leur explication et que leur plan d'action serait suspecté d'être faux, ou même s'ils seraient soupçonnés d'avoir délibérément provoqué une pandémie. L'un des bienfaiteurs enrôlés de l'événement simulé de pandémie lit une liste de problèmes que l'effort mondial de riposte à la pandémie avec des erreurs et de la désinformation. Ouvrez les guillemets, c'est un énorme problème qui menace les gouvernements et les institutions de confiance. Les gouvernements nationaux envisagent ou ont déjà mis en œuvre une gamme d'interventions pour lutter contre la désinformation. Certains gouvernements ont pris le contrôle de l'accès national à l'Internet et d'autres censurent les sites web et le contenu des médias sociaux. Et un petit nombre ont complètement fermé l'accès à Internet pour empêcher la propagation de la désinformation. Ces sanctions ont été mises en place pour avoir propagé des mensonges nuisibles, y compris des arrestations. Fermez les guillemets. Il est toujours ahurissant pour moi que des groupes de personnes puissent être rassemblés et ensuite encouragés à croire que leur mission est plus importante que les plans, les pensées et les actions réellement affectées. Ce scénario est similaire à celui étudié dans l'expérience Stanford Prison Experiment, décrite dans le livre de Lucifer Effect, Understanding How People Turn Evil, de Philippe Zimbardo. Étant donné une prétendue autorité sans rétroaction négative de leur père, les bienfaiteurs peuvent et vont assurer des pouvoirs totalitaires, devenant dangereusement mauvais, selon Zimbardo. L'expérience est vraiment une étude sur la façon dont les gens ordinaires et même les bonnes personnes peuvent être séduites ou corrompues par les situations sociales puissantes. Dans ce type d'environnement, les personnes affectées ont une réponse émotionnelle qui l'emporte sur les normes de la personnalité, les connaissances historiques ou même la pensée du bon sens. C'est pourquoi les gouvernements du monde entier utilisent des crises réelles ou inventées pour nuire massivement à leur propre peuple. De plus, il est facile de perdre de vue le fait qu'un gouvernement suffisamment paranoïaque pour bloquer l'accès à l'information, à l'exception des informations gouvernementales, deviendra un monstre, une expression totalitaire d'un système de contrôle maléfique. L'effet Lucifer. Les gens ont le droit de rechercher des informations et de prendre leurs propres décisions sur ce qui est vrai ou non et ce qui est bien ou mal pour eux-mêmes. La version gouvernementale de la vérité a presque toujours été fausse. Considérez les mensonges impliquant l'implication de l'Amérique dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, les fabrications utilisées pour faire passer la loi sur la réserve fédérale ou l'histoire inventée d'une attaque dans le golfe du Tonkin qui a déclenché la guerre du Vietnam, tuant presque 60 000 soldats américains sans justification, quelle que soit la raison. Considérez les mensonges de l'assassinat de John F. Kennedy ou les mensonges en suspens racontés par le gouvernement concernant la destruction du World Trade Center le 9 septembre 2001. Revoyez les mensonges racontant pourquoi l'USS Liberty a été attaqué et 34 hommes tués et 171 blessés. Les gouvernements sont des contrevenants en Syrie qui abusent de la confiance. Que se passe-t-il après? L'événement coronavirus actuel, le vrai, est une opération très coûteuse. Que ce soit un acte de Dieu ou plus probablement fabriqué, cet événement n'a pas encore complètement tout joué. Les médias de propagande sous contrôle mondial tiennent la population au courant de la propagation quotidienne du virus, tandis que les nations se précipitent pour préparer la façon dont elles vont faire face à la pandémie. L'événement 201 financé par Gates a déjà alerté ceux qui peuvent voir ce qui est susceptible de suivre à la suite de l'événement en cours. Le mardi 25 février, édition de Power Hour avec l'animateur Daniel Brigman. Brigman relève certaines informations qu'il a reçues d'une source non divulguée concernant le potentiel d'une période de verrouillage rampant en Amérique. Daniel a été informé qu'un cercle élargi de blocage pourrait se produire en commençant par des étapes simples et raisonnables pour prévenir l'infection, mais cela continuera à inclure la restriction de plus en plus de liberté jusqu'à ce qu'il devienne comme la loi martiale. Il s'attendait à ce que cela se produise en mars et a qualifié la loi martiale en cours de folie de mars. Le même virus mondial est exceptionnellement puissant et couvre toutes sortes de contrôle, de manipulation, de déstabilisation des populations. En utilisant les prétentions de censurer la désinformation, les gouvernements contrôlés peuvent réduire au silence et étouffer toutes les tentatives d'exposer l'utilisation abusive d'une peur pandémique à des fins d'érosion accrue de la souveraineté des États-nations. En fait, en utilisant les bienfaiteurs d'une manière décrite dans l'expérience de Zimbardo, nous pouvons voir une recette qui pourrait inclure le meurtre de masse par les gouvernements afin de s'approprier santé, afin d'apporter santé et bien-être aux gens. Gouvernement mondial, la tyrannie finale. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est seulement de savoir si le gouvernement mondial sera obtenu par consentement ou par conquête. Jim Warburg, 1950. La déclaration ci-dessus a été faite au Sénat des États-Unis par James Paul Warburg, 1896-1969. Le fils de Paul Moritz Warburg et neveu de Félix Warburg et Jacob Shift, excusez. Tous deux associés à Kuhn Loeb Company qui a financé la révolution en Russie, le plus grand meurtre de masse du 20e siècle. L'occasion était un témoignage devant le sous-comité de révision de la Charte des Nations Unies. Il ne fait aucun doute que l'humanité est dirigée vers les fins expérimentées à plusieurs reprises par ceux qui parlent au nom d'un gouvernement mondial unique et sa culture mutilée, unique et la sublimation de toutes les races à l'exception de la race suprémaciste restante. En une seule race brune, incolore, une course ouvrière avec le quotient intellectuel de gens les moins intelligents du monde. La description de ce nouvel ordre mondial peut être trouvée dans d'innombrables documents et témoignages enregistrés depuis des centaines d'années. L'homme du futur sera de race mixte. Les races et les classes d'aujourd'hui disparaîtront progressivement en raison de la disparition de l'espace, du temps et des préjugés. La race eurasienne négroïde du futur, semblable dans son apparence aux Égyptiens antiques, remplacera la diversité des peuples par la diversité d'individus. Plan Kalergi. Le principal moteur de l'horrible destruction planifiée de la civilisation est la maladie mentale, la maladie mentale d'un culte religieux qui a conservé sa forme sombre et psychopathique à travers des générations de consanguinité et d'application générationnelle de la peur comme moyen d'obéissance forcée à ses membres. Utilisant la psychologie et attaquant à l'altruisme pathologique des peuples européens, cette tribu, peut-être les éléments à qui il prie, ont déjoué et détiennent maintenant le meilleur de l'humanité dans un état de peur perpétuelle. Que l'attaque soit présumée être perpétuée par des terroristes musulmans pilotant des avions de passagers avec la précision d'un guidage informatique vers le World Trade Center ou des événements fabriqués de tirs traumatisants dans une cour d'école, la signature est toujours la même. Pour ceux qui ont appris à voir, il devient encore plus frustrant que les Américains soutiennent ce tourment continu. Confusion de coronavirus et vaccin. La porte de votre temple. Dans le cas de la pandémie, Emergency Board Simulation discuté ci-dessus, il est intéressant de souligner qu'en plus de mettre en place la simulation, la Fondation Bill et Melinda Gates a également financé le groupe qui détient un brevet sur la création de coronavirus et ce groupe travaille déjà sur un vaccin. Le groupe appelé l'Institut Pierre Bright, détenteur du brevet déposé pour le coronavirus, nomme la fondation Bill et Melinda Gates comme principal bailleur de fonds. Par coïncidence, le groupe de scientifiques israéliens a annoncé qu'ils étaient sur le point de développer un vaccin contre le coronavirus, peut-être dans quelques semaines. Appelons ça de la chance, a-t-il dit, nous avons décidé de choisir le coronavirus comme modèle pour notre système, tout comme une preuve de concept de notre technologie. Johnson & Johnson prétendent sauter dans la mêlée vaccinale et prévoient bientôt un vaccin contre le coronavirus. Mais attendez, selon le docteur Francis Ball et une interview avec Alex Jones, il s'agit d'un virus armé comme le SRAS. Encore une fois, le SRAS est de la même famille, est la même famille de coronavirus. Le Dr Boyle répond « D'accord, c'est un coronavirus armé. » Il conclut également qu'il ne pouvait pas vraiment anticiper l'anticorps contre celui-ci. Les virus armés peuvent présenter une caractéristique définie comme une amélioration dépendante des anticorps. Il s'agit d'un type de virus qui ne peut pas être vaincu par les vaccins. En fait, un vaccin pourrait provoquer une résurgérance de la maladie, pire que si quelqu'un avait déjà eu un coronavirus et avait survécu. L'ADE est également une préoccupation majeure pour la conception de vaccins et la thérapie médicamenteuse à base d'anticorps, car les anticorps générés ou utilisés dans ces procédures peuvent entraîner une ADE. ADE a été observée dans le coronavirus pendant des décennies, mais les mécanismes moléculaires sont inconnus. Les progrès récents dans la compréhension et la reconnaissance des récepteurs et des mécanismes d'entrée cellulaire des coronavirus nous ont permis d'utiliser les coronavirus comme système modèle pour l'étude de l'ADE. Laissant ouverte la possibilité que les fabricants de vaccins pourraient concevoir un vaccin qui évite les problèmes de l'EIM, nous avions d'abord demandé puisqu'il n'y a pas de vaccin contre le SARS ou les vaccins contre la dengue, comment pouvons-nous faire confiance aux fabricants de vaccins qui ont des antécédents de dommages, qui ont mutilé et tué des patients avec des vaccins nocifs? N'essayons pas d'être pessimistes ici, mais est-ce que juste le prochain niveau de destruction de la population, comme le préconisent les pierres de les Georgia Guidestone, ou est-ce un autre faux drapeau ou un entraînement à la peur, un petit pas vers la solution finale? Quoi qu'il arrive avec cet événement actuel, très peu de personnes sont décédées par rapport à la grippe saisonnière, que très peu de gens achètent de masques pour l'éviter. La chose que nous savons, que la percée du coronavirus fonctionne bien, masquant le crab boom des systèmes financiers américains. Des menteurs connus rassurent le public. Le laboratoire de tests de coronavirus pourrait avoir été contaminé. Ce n'est qu'un virus. Merci et bonne fin de journée. Rendez-vous chaque vendredi à 14h pour l'émission de Marie-Claire Tellier, Actualité internationale, un nouveau regard, sur Radio Impact. Vous cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dédicaces.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer. L'annuaire de la radio propose depuis 1998 le répertoire sur la radio en France le plus complet du web. Le plus complet du web. Vous y trouverez tous les sites des stations FM ou web radio, ceux de vos animateurs préférés, des émissions, des archives, des radios disparues, mais aussi plein de rubriques touchant de près au monde de la radio. Un classement astucieux permet d'accéder en deux clics à votre recherche, qu'elle soit nationale ou ciblée sur votre région. L'annuaire de la radio, c'est simplement www.annuairedelaradio.com. www.annuairedelaradio.com. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.